Activité 7, page 117, piste 91. A. Tu ne vas pas en France? Si. Si. B. On va visiter le Vietnam? D'accord. Avec plaisir.